Le soleil lui semblait plus clair, la terre lui paraissait plus belle, et comme on était au printemps, il prit plaisir à regarder, bien que rien de tout cela ne lui appartînt, sauf un maigre champ dont les enchères n'avaient pas voulu, la verdure du jeune blé dans la plaine, et les collines blanches à côtes des amandiers croulant sous le poids des fleurs, comme si on y avait mis sécher toutes les lessives de la contrée. Tant mieux, songeait-il, pourvu que le beau temps dure, et si les abeilles ne laissent rien perdre, on ne manquera ni d'amandes fines, ni de miel pour le nougat du grand souper. Puis il se mit bravement à l'ouvrage. Bénezet était homme d'imagination. Il avait exercé l'état de berger dans sa jeunesse. Aussi, les paroles de Roumanille, rappelées par le curé, cet espérant de conduire un jour le gros Damase, son persécuteur devenu son âne, là-haut, par les chemins bleus du paradis, l'induisirent soudain en d'extraordinaires rêveries. Il se disait, au fond, les pauvres ont la part bonne, les riches sottement mangent leur pain blanc le premier. Tant pis pour eux, pardi, à chacun son tour, c'est justice. Et Bénezet congratula sérieusement Bénezet qui, lui, malin, avait su rester pauvre, tandis que ce benêt de Damas.